Bon, bon, on va dire. Cosa va passare per la dignità? Che non vuoi dire? E se tu dici una bambina di questo? Non vedo il marito. No, sì, dico. Non vedo il marito, dico. Sì, perché sono me in sempre, se ne chiamo l'altro, mi è partito. Per me è sempre qua? Non c'è un po' che guarda in piedi, non c'è un po' che guarda in piedi, non c'è un po' che guarda in piedi, non c'è un po' che guarda in piedi, non c'è un po' che guarda in piedi, non c'è un po' che guarda in piedi, non c'è un po' che guarda in piedi, non c'è un po' che guarda in piedi, non c'è un po' che guarda in piedi, non c'è un po' che guarda in piedi, non c'è un po' che guarda in piedi, non c'è un po' che guarda in piedi, non c'è un po' che guarda in piedi, non c'è un Autrement dit, par exemple, quand quelqu'un vous apparaît dans votre... Quand quelqu'un apparaît, se matérialise, et même il se matérialise chez vous, ça ne va pas partie du phénomène de l'homme. Il a rappelé? Le maître tibétain, Alice Bélé, tout ça, ces gens-là ne font pas partie du gouvernement invisible d'un homme. Ça fait partie du astral? Ils font partie de la conscience ici. On n'est pas capable de revenir dessus, mais ce que je viens de dire, là. Parce qu'il y a une chose que l'homme a... Il est redevable ou il n'est pas redevable. Et l'homme de demain, quand je parle de l'homme de demain, je parle de cet homme-là que je ne peux pas expliquer encore, là. Il ne sera pas redevable évolutionnairement. Il ne sera pas redevable. C'est ça que je dis, que l'homme de demain, celui dont je parle, là, que je vois les pieds jaunes, là, ne sera pas un homme en service ou de service. Qui va complètement à cause de la doctrine des autorités tibétaines donnée à Béli, pas à l'encontre dans le sens que la doctrine tibétaine donnée à Béli n'est pas bonne ou qu'elle est fausse, mais dans le sens que la doctrine tibétaine donnée à Béli est une doctrine qui sert à enregistrer dans la conscience spirituelle de l'homme des valeurs astrales qui serviront éventuellement à restructurer l'évolution du règne humain sur le plan de la conscience astrale. Neutralité qui sort lorsque l'homme sera totalement en bataille et que l'homme n'aurait plus besoin de se servir de la conscience astrale pour évoluer, connaître les secrets de la conscience. Alors, les hommes qui seront en dehors de cette conscience-là, les hommes qui seront totalement dans la conscience morontielle et qui pourront se servir de leur esprit, de l'énergie de leur esprit pour activer sur le plan matériel les forces électriques de l'homme, ces hommes-là sont ces hommes-là dont je parle. Et ces hommes-là ne sont pas en service, ce sont des gens libres. Voulez-vous vous informer? Bon, vous dire une chose. Avec le temps, vous allez comprendre. Avec le temps, là, vous allez comprendre que tout ce qui a été dit à l'homme jusqu'à ma venue ne sert plus à l'homme de demain. C'est-à-dire, tout ce qui a été dit à l'homme jusqu'à ma venue ne sert plus à l'homme de demain. Parce que tout ce qui était dit à l'homme jusqu'à ma venue était pour l'homme de la cinquième race. Oui, mais quand je parle en fonction de l'homme de demain, je parle en fonction de l'homme de demain, je ne parle pas en fonction de l'homme de la cinquième race. L'homme de demain. Et l'homme de demain est caché quand vous voulez. C'est vrai que dans l'ancien triangle planétaire, on sort complètement de ça. On sort totalement de l'ancienne conscience de la planète Terre. Et tout ce qui était bon, c'est pas du loin. Prenez le Christ. Le Christ, il est venu, le Nazaréen, il est venu de 2000 ans. Il a vécu la fusion. Il a donné à l'humanité un sceau. Le sceau qu'il a donné à l'humanité, qui est un sceau totalement cosmique et qui n'appartient pas à l'homme, mais qui fait partie du processus de fusion des temps lumière vers la terre. Ce sceau-là, il est gardé sur la terre. À un certain endroit. Il est dans les terres, mais la lumière est sur la planète Terre. Et lorsque ce sceau-là va être ressaisi, c'est-à-dire que lorsqu'il va resservir, il va servir créativement, à ce moment-là, il y aura une fusion totale entre la conscience planétaire, la conscience cosmique de l'homme et la conscience de la galaxie. Et à ce moment-là, l'homme sera égal à égal avec toutes les principautés de la galaxie. Alors, lorsque l'homme sera égal à égal avec les principautés de la galaxie, ça veut dire que l'homme aura le pouvoir sur un plan intérieur de siéger dans tous les gouvernements morontiels. L'homme pourra siéger dans tous les gouvernements que vous appelez, vous autres, les gouvernements extraterrestres. L'homme sera tu sais, tu feras un échelle à 7 étages. L'homme sera sur le premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième, mais ce n'est pas tous les hommes qui pourront être sur tous ces étages-là. Parce que tous les hommes n'ont pas été donnés la clé. Tous les hommes n'ont pas été donnés la clé. Et les hommes à qui a été donnée la clé ne le savent pas. Et les hommes à qui a été donnée la clé, lorsqu'ils seront, à ce moment-là, sauront se voir sur tous ces étages. Ces hommes-là font partie du vrai. Quand je dis que tout ce que je dis à l'homme jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où j'ai commencé à parler à l'homme, ne sait que depuis demain, c'est déjà dépassé. La cosmogonie de l'ancien, c'est déjà dépassé. La cosmogonie de l'ancien fait partie du travail des états jusqu'à le terme où j'ai commencé à parler. À partir du moment où tu commences à parler, ce qui a été dit avant ne sert plus parce que ce qui a été dit avant n'avait qu'une fonction, c'était d'augmenter la libération sexuelle. Et faire comprendre plus justement à l'homme les possibilités, les prédestinés de l'homme. Mais lorsque tu sors complètement de ce temps-là et que tu tombes dans le temps moronciel, c'est valable non plus. Non plus valable puisque l'homme est plus capable de penser. Une fois que l'homme est capable de penser, tout ce qu'il a su dans la pensée, tout ce qu'il a fait à son éducation qui a servi de la pensée, son éducation qui a servi de la pensée, ne sert plus puisqu'il ne fonctionne plus au niveau de l'ego. Quand l'homme fonctionne plus au niveau de l'ego, il fonctionne au niveau de l'esprit. Quand l'homme fonctionne au niveau de l'esprit, il fonctionne totalement de façon collective, indépendante, autonome, il est un agent libre. Quand l'homme est un agent libre, il est foncièrement ce que vous appelez vous autres, un extraterrestre, mais dans des conditions éthériques qui ne sont pas pour l'homme aujourd'hui possible, mais compréhensibles. C'est là que je parle de la différence entre le secret du mystère et le mystère du secret. Alors, il y a des hommes qui ont accès au mystère du secret, mais les hommes ne savent pas le secret du mystère parce que le secret du mystère fait partie de la conscience de Melchizedek. Alors, le secret du mystère est donné à l'homme, c'est genre quand c'est clair. Quand le secret du mystère est donné à l'homme, à ce moment-là, demandez de l'homme. Alors, la question de l'ignorance fait partie du mystère du secret. Le langage du Melchizedek fait partie du secret du mystère. Alors, tout le mystère secret sert aux entités qui sont des autres plans. Il est servant du bon. Tout ce que l'homme fait partie du secret du mystère. Tout ce qui vient des autres plans, des entités sur les autres plans. Je parle de bien. Les entités. Tout ce qui vient des entités des autres plans dessert l'homme, mais à l'évolution. Tout ce qui sert l'homme doit lui venir de l'univers. Ça fait partie de son esprit. Ça, ça sert l'homme. Et l'homme, c'est ça que seul que l'homme peut se serrer seulement par ses propres forces. Par ses propres forces. Il faut que l'homme se lève par ses propres forces. Il est obligé, à un certain moment, de mettre totalement son égo de côté. Et rentrer dans son esprit. Par ça, l'homme ne peut pas devenir mortel. Les autres ne font pas de cadeau. Il y a bien le débat à l'homme. Fait qu'il y a bien cherché. Non, il faut l'arrêter. Le lien est déjà dans l'homme, il ne faut pas le chercher, mais il faut quand même l'air. Le connaître. Le connaître. Qu'est-ce qu'il y a de dire? La solidité. La seule condition, c'est le changement vibratoire du corps mental. C'est eux autres qui ont fait le changement vibratoire du corps mental. C'est le lien. Il n'y a pas de différence entre eux autres et nous autres. L'histoire de pensée fait partie de l'homme. On parle des autres, c'est à l'homme à réaliser un jour que le lien est dans l'homme. Et l'homme ne peut réaliser que le lien est dans l'homme sans que l'homme pense. Alors vous êtes amené, à cause de la résonance, à penser le moins possible. Vous avez dit, à être dans votre propre lien. Oui. Oui, plus qu'on n'a pas la fusion totale. Le problème de la fusion totale, éventuellement, vous donnez la fusion. Oui. Mais ce que vous avez besoin, c'est la conscience totale. Oui. La conscience totale, elle vient au fur et à mesure que votre ego, la lumière, devient un. Oui. Vous avez dit que l'ego, puis l'âme, devient un. Parce que la lumière, la force de l'âme, devient un. Automatiquement, vous êtes obligé petit à petit d'apprendre à rejeter les illusions de la personnalité pour enlever éventuellement ce que la personnalité sert à l'esprit. Et non, l'ego. Faut que l'ego ne soit plus là. Faut qu'il soit plus là. Bon, parce que vous voulez, il faut qu'il soit plus là, dans le sens qu'il n'y ait plus d'infection. Faut qu'il soit là, je sens plus là. Quand il est plus là, il n'y a plus d'infection. Quand il n'y a plus d'infection dans l'ego, ça serait plus sûr en l'ego de rester. C'est un là. Au niveau de la santé. Quand il y a une chance au niveau de la loi, il y a une chance de la santé. Non, mais vraiment, c'est déjà ça, là. Parce que tu as déjà dit, dans une conférence avec une chandelle, que nous autres, on avait rien, contrairement à Saint-Cameron. C'est eux autres qui nous payaient. Qui nous payaient. C'est un écran. C'est ça. C'est pas toi qui vas bien, il va bien qu'il y a un bout, là. C'est bien important de comprendre que les raisons vibratoires, que tout doit partir de là, et non des entités sur les ailes. Ok, bien, tout là, de le comprendre en laissant les autres, tout doit partir de là, et l'homme deviendra la lentille, le foyer. Le mien. Il y a plein de choses qu'on comprend en bas de là. Il y a des hommes qui meurent, des égaux qui meurent, ils s'en vont sur d'autres gens, qui vivent encore à 30 ans. Ouais. Ça va loin, l'égo. Ouais. Quand t'es mort, tu t'es encore en tant que comme parce que t'as encore ta personnalité avec toi. C'est un monde où je fais rien. Tu te rends compte? Les fantômes sont une manifestation inférieure de ça, mais plus les égaux sur les autres plans vivent la même expérience. Pareil, parce que dès que tu es dans l'astral, tu es obligé de percevoir ton esprit par les lumières de l'astral, par les lumières de l'astral. Tant que tu vois par les lumières de l'astral, tu es forcé d'interpréter tout le monde astral selon ta personnalité. Alors, comment pourrait la santé, si on était déjà mort, puis on a encore. Le plus proche que je peux vous donner, c'est quand vous rêvez. Quand on rêve. Quand vous rêvez, c'est comme si vous étiez mort. C'est bien comme rêver, ou c'est comme si vous étiez mort. Quand tu es mort, c'est comme quand tu rêves. C'est marqué plus précis. Mais sur certains plans, c'est encore plus clair. Oui, mais il y a quelque chose que chacun va dire. Quoi? Parce que quand tu meurs, ok? Pour tout le monde de l'esprit, ok? Quand vient le temps que tu te réincarnes, tu perds la mémoire. Ok? Je te donne un exemple de bien faire la paix. Mettons, je meurs demain matin. Bon, je vais le dire pour Saint-Denis, mais mettons, je me réincarne dans le deuxième rêve. Je te donne un exemple, ok? Je vais avoir perdu la mémoire, moi, de ce que j'ai acquis. Oui. T'es obligé de la perdre la mémoire parce que, n'ayant pas la fusion, tu ne pourras pas vivre cette vie. Si tu t'en vas, ces autres terres, tu vis dans des beaux mondes, t'es venu dans des beaux mondes, d'un coup, tu reviens en matière. Si tu ne pourras pas vivre, ça serait trop bénéfique. Fait que tu perds la mémoire. Je perds la mémoire de ce que j'ai acquis avec ça. Je perds la mémoire de ce que tu décris que tu nous donnes, là. Tu vas recommencer à zéro. Non, je ne peux pas perdre la mémoire des clés que je te donne. Si tu mourrais demain matin, je te rappellerais de ce que j'ai dit parce que ce que je dis n'appartient pas au monde de l'astral. Ce que je dis ne s'imprime pas dans le monde de l'astral. Tu seras obligé de partir avec. C'est tout ça. Sans ça, si c'était pas comme ça, penses-tu que je passerais mon temps? Penses-tu que je perdrais mon temps à parler à 800, 1000 personnes, 1500 personnes, 2000 personnes éventuellement? Genre, je dirais, bon, toi, pour faire un cénacle, là, pour m'observer, là, pourquoi. Ah oui. Je parlerai pas mon temps avec tout le monde quand je sais qu'il y en a pour moi, quand je sais qu'il y en a qui est. Ah oui. J'espère. Peut-être que toi, tu dis, ça ne se fait pas, mais peut-être que tu te réponds à qui en dehors de ce. Mettons, pas, moi. Ça que j'en sais, un ma dit. Ce que j'ai acquis dans les ans de guerre, quand, à chaque fois que je me suis réincarné, j'ai perdu, moi, la connaissance de l'évolution de l'évolution. À chaque fois. Quand tu le vois, t'as accepté, Une vision assez Thank you.